Ce n'est pas possible! Ce n'est pas possible! Mon propre neveu! Mon propre neveu! Mon propre neveu! Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Je me repose. Mon propre neveu! J'ai fait ça. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Merveilleux! Mon brillant neveu me manque. J'ai hâte de la récupérer. Merveilleux! Mon brillant neveu me manque. J'ai hâte de la récupérer. J'ai hâte de la récupérer. J'ai hâte de la récupérer. Bon, quel est le problème encore? Bon, quel est le problème encore? Bon, quel est le problème encore? Bon, quel est le problème encore? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Si au gong de milieu de cycle, ils n'ont pas répondu, cessez la transmission. Si au gong de milieu de cycle, ils n'ont pas répondu, cessez la transmission. Nous considérerons qu'ils sont morts. Nous avons perdu assez de temps pour eux. Nous considérerons qu'ils sont morts. Nous avons perdu assez de temps pour eux. Nous avons perdu assez de temps pour eux. Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Il me les faut vivants, ces enfoirés d'Austriens. Faites tout ce que vous voulez, mais il me les faut. On ne touche pas à ma famille. Mettez votre plan à exécution. Oula. Il me les faut vivants, ces enfoirés d'Austriens. Faites tout ce que vous voulez, mais il me les faut. On ne touche pas à ma famille. Mettez votre plan à exécution. Faites tout ce que vous voulez, mais il me les faut. On ne touche pas à ma famille. Mettez votre plan à exécution. Mettez votre plan à exécution.